c'est un truc à dire. De toute façon, c'était soit ça, soit un texte. Pas la peine de parler, pour parler, vas-y, remballe. J'ai bien cramé toutes tes vices et je rentre pas dans les détails. Y'en a des tailles, détaillées, comme toi t'as joué ta tasse. Parce qu'il paraît, tu calmes, tu vois qu'aujourd'hui tout ça se fait. Comment ça se fait? Derrière mon dos, un pas de respect. Je t'ai ouvert mon cœur aussi facilement, je n'ai pas. J'avance avec la nuit, ah, ni violence, ni arme. Je m'en remets à Dieu, t'inquiète pas, comment ça ira. C'est toujours le plus mal placé qui vient remplacer une. C'est comme si t'existais plus à mes yeux. Est-ce que t'as si mieux? Toute ambition pour que toi, et là tu te dis, accélère, accélère, tu fonds dans le mur en te disant, mais c'est pas vrai pour moi. J'ai pris mes clics et je me tais.